Chapitre 24e. Les noms de M. le baron Pasquier et de M. Henri ne s'effaceront jamais de mon souvenir. Ces deux hommes généreux furent mes libérateurs. Combien je leur dois d'actions de grâce. Ils m'ont rendu plus que la vie. Pour eux, je la sacrifierai mille fois. Et je pense qu'elle m'en croira quand on saura que souvent je l'exposais pour obtenir d'eux une parole, un regard de satisfaction. Je respire, je circule librement, je ne redoute plus rien. Devenu agent secret, j'ai maintenant des devoirs tracés, et c'est le respectable M. Henri qui se charge de m'en instruire, car c'est sur lui que repose presque toute la sûreté de la capitale. Prévenir les crimes, découvrir les malfaiteurs, les livrer à l'autorité, c'est à ces points principaux que l'on doit rapporter les fonctions qui m'étaient confiées. La tâche était difficile à remplir. M. Henri prit le soin de guider mes premiers pas. Il m'a plané les difficultés, et si par la suite j'acquis quelques célébrités dans la police, je l'ai dû à ses conseils ainsi qu'aux leçons qu'il m'a données. Doué d'un caractère froid et réfléchi, M. Henri possédait au plus haut degré ce tact d'observation qui fait démêler la culpabilité sous les apparences les plus innocentes. Il avait une mémoire prodigieuse et une étonnante pénétration. Rien ne lui échappait. Ajoutez à cela qu'il était d'excellent physionomiste. Les voleurs ne l'appelaient que l'ange malin, et à tous égards il méritait ce surnom. Car chez lui l'aménité était la compagne de la ruse. Rarement un grand criminel, interrogé par lui, sortait de son cabinet sans avoir avoué son crime ou donné à son insu quelques indices qui laissaient l'espoir de le convaincre. Chez M. Henri il y avait une sorte d'instinct qui le conduisait à la découverte de la vérité. Ce n'était pas de l'acquis, et quiconque aurait voulu prendre sa manière pour arriver au même résultat se serait fourvoyé, car sa manière n'était pas une, elle changeait avec les circonstances. Personne plus que lui n'était attaché à son état. Il couchait, comme on dit, dans l'ouvrage, et était à toute heure à la disposition du public. On n'était pas obligé alors de ne venir dans les bureaux qu'à midi, et de faire souvent antichambre pendant des quarts de journée, ainsi que cela se pratique aujourd'hui. Passionné pour le travail, il n'était rebuté par aucune espèce de fatigue. Aussi, après 35 ans de service, est-il sorti de l'administration accablé d'infirmité. J'ai vu quelquefois ce chef passer 2 ou 3 nuits par semaine, et la plupart du temps pour méditer sur les instructions qu'il allait me donner et pour parvenir à la prompte répression des crimes de tout genre. Les maladies, il en a eu de très graves, n'interrompaient presque pas ses labeurs. C'était dans son cabinet qu'il se faisait traiter. Enfin, c'était un homme comme il y en a peu, peut-être même comme il n'y en a point. Son nom seul faisait trembler les voleurs, et quand ils étaient amenés devant lui, tant audacieux fussent-ils, presque toujours ils se troublaient, ils se coupaient dans la réponse, car tous étaient persuadés qu'ils lisaient dans leur intérieur. Une remarque que j'ai souvent eu l'occasion de faire, c'est que les hommes capables sont toujours les mieux secondés. Serait-ce en vertu de ce vieux proverbe, qui se ressemble, s'assemble ? Je n'en sais rien. Mais ce que je n'ai pas oublié, c'est que M. Henri avait des collaborateurs dignes de lui. De ce nombre était M. Berthaud, interrogateur d'un grand mérite. Il avait un talent particulier pour saisir une affaire, quelle qu'elle fût. Ses trophées sont dans les dossiers de la préfecture. Près de lui, j'aime à mentionner le chef des prisons, M. Parisot, qui suppléait M. Henri avec une grande habileté. Enfin, M. Henri, Berthaud et Parisot formaient un véritable triumvirat qui conspirait sans cesse contre le brigandage. L'extirpé de Paris et procurer aux habitants de cette immensité une sécurité à toute épreuve, tel était leur but, telle était leur unique pensée, et les effets répondaient pleinement à leur attente. Il est vrai qu'à cette époque, il existait, entre les chefs de la police, une franchise, un accord, une cordialité qui ont disparu depuis 5 à 6 ans. Aujourd'hui, chefs ou employés, tous sont dans la défiance les uns des autres, tous se craignent réciproquement. C'est un état d'hostilité continuelle. Chacun dans son confrère redoute un dénonciateur. Il n'y a plus de convergence, plus d'harmonie entre les divers rouages de l'administration. Et d'où cela vient-il? De ce qu'il n'y a plus d'attribution distincte et parfaitement définie. De ce que personne, à commencer par les sommités, ne se trouve à sa place. D'ordinaire à son avènement, le préfet lui-même était étranger à la police. Et c'est dans l'emploi le plus éminent qu'il vient y faire son apprentissage. Il traîne à sa suite une multitude de protégés, dont le moindre défaut est de n'avoir aucune capacité spéciale, mais qui, faute de mieux, savent le flatter et empêcher la vérité d'arriver jusqu'à lui. C'est ainsi que, tantôt sous une direction, tantôt sous une autre, j'ai vu s'organiser ou plutôt se désorganiser la police. Chaque mutation de préfet y introduisait des novices et faisait éliminer quelques sujets expérimentés. Je dirai plus tard quelles sont les conséquences de ces changements qui ne sont commandés que par le besoin de donner des appointements aux créatures du dernier venu. En attendant, je vais reprendre le fil de ma narration. Dès que je fus installé en qualité d'agent secret, je me mis à battre le pavé afin de me reconnaître et de me mettre à même de travailler utilement. Ces courses, dans lesquelles je fis un grand nombre d'observations, me prirent une vingtaine de jours, pendant lesquels je ne fis que me préparer à agir. J'étudiai le terrain. Un matin, je fus mandé par le chef de la division. Il s'agissait de découvrir un nommé Vatrin, prévenu d'avoir fabriqué et mis en circulation de la fausse monnaie et des billets de banque. Vatrin avait déjà été arrêté par les inspecteurs de police, mais suivant leur usage, ils n'avaient pas su le garder. M. Henri me donna toutes les indications qu'il jugeait propres à me mettre sur ses traces. Malheureusement, ces indications n'étaient que de simples données sur ses anciennes habitudes. Tous les endroits qu'il avait fréquentés m'étaient signalés. Mais il n'était pas vraisemblable qu'il y vint de sitôt, puisque dans sa position, la prudence lui prescrivait de fuir tous les lieux où il était connu. Il ne me restait donc que l'espoir de parvenir jusqu'à lui par quelques voies détournées. Lorsque j'appris que dans une maison garnie où il avait logé, sur le boulevard du Montparnasse, il avait laissé des effets, on présumait que tôt ou tard il se présenterait pour les réclamer, ou tout au moins qu'il les ferait réclamer par une autre personne. C'était aussi mon avis. En conséquence, je dirigeai sur ce point toutes mes recherches, et après avoir pris connaissance du manoir, je m'embusquai nuit et jour à proximité afin de surveiller les allants et les venants. Cette surveillance durait depuis déjà près d'une semaine. Enfin, las de ne rien apercevoir, j'imaginais de mettre dans mes intérêts le maître de la maison et de louer chez lui un appartement où je m'établis avec Annette. Ma présence ne pouvait paraître suspecte. J'occupais ce poste depuis une quinzaine quand, un soir, vers les 11 heures, je fus averti que Vatrin venait de se présenter accompagné d'un autre individu. Légèrement indisposé, je m'étais couché plus tôt que de coutume. Je me lève précipitamment, je descends l'escalier 4 à 4, mais quelque diligence que je fisse, je ne pus atteindre que le camarade de Vatrin. Je n'avais pas le droit de l'arrêter, mais je pressentais qu'en l'intimidant, je pourrais obtenir de lui quelques renseignements. Je le saisis, je le menace, bientôt il me déclare en tremblant qu'il est cordonnier, et que Vatrin demeure avec lui, rue des Mauvais Garçons, Saint-Germain, numéro 4. Il ne m'en fallait pas davantage. Je n'avais passé qu'une mauvaise renagote sur ma chemise sans prendre d'autres vêtements, je cours à l'adresse qui m'était donnée, et j'arrive devant la maison au moment où quelqu'un va sortir, persuadé que c'est Vatrin. Je veux le saisir, il m'échappe. Je m'élance après lui dans l'escalier, mais au moment de l'atteindre, un coup de pique qu'il m'envoie dans la poitrine me précipite de 20 marches. Je m'élance de nouveau, et d'une telle vitesse que pour se dérober à la poursuite, il est obligé de s'introduire chez lui par une croisée du carré. À l'heure, heurtant à sa porte, je le somme d'ouvrir, il s'y refuse. Annette m'avait suivi. Je lui ordonne d'aller chercher la garde, et tandis qu'elle se dispose à m'obéir, je simule le bruit d'un homme qui descend. Vatrin, trompé par cette feinte, veut s'assurer si effectivement je m'éloigne, il met la tête à la croisée. C'était là ce que je demandais. Aussitôt je le prends aux cheveux. Il m'empoigne de la même manière et une lutte s'engage. Cramponné au mur de refend qui nous sépare, il m'oppose une résistance opiniâtre. Cependant je sens qu'il faiblit. Je rassemble toutes mes forces pour une dernière secousse. Déjà il n'a plus que les pieds dans sa chambre. Encore un effort et il est à moi. Je le tire avec vigueur, il tombe dans le corridor. Lui arracher le tranchet dont il était armé, l'attacher et l'entraîner dehors fut l'affaire d'un instant. Accompagné seulement d'Annette, je le conduisis à la préfecture, où je reçus d'abord les félicitations de M. Henri, et ensuite celles du préfet de police, qui m'accorda une récompense pécuniaire. Vatrin était un homme d'une adresse rare. Il exerçait une profession grossière et pourtant, il s'était adonné à des contrefaçons qui exigent une grande délicatesse de main. Condamné à mort, il obtint un sursis à l'heure même où il devait être conduit au supplice. L'échafaud était dressé, on le démonta, les amateurs en furent pour un déplacement inutile. Tout Paris s'en souvient. Le bruit s'est répandu qu'il allait faire des révélations, mais comme il n'avait rien à dire, quelques jours après, la sentence reçut son exécution. Vatrin était ma première capture. Elle était importante. Le succès de ce début éveilla la jalousie des officiers de paix et des agents sous leurs ordres. Les uns et les autres se déchaînèrent contre moi, mais ce fut vainement. Ils ne me pardonnaient pas d'être plus adroit qu'eux. Les chefs m'en savaient au contraire beaucoup de gré. Je redoublais de zèle pour mériter de plus en plus la confiance de ces derniers. Vers cette époque, un grand nombre de pièces de 5 francs fausses avaient été jetées dans la circulation du commerce. On m'en montra plusieurs. En les examinant, il me sembla reconnaître le fer de mon dénonciateur Bouin et de son ami le docteur Terrier. Je résolus de m'assurer de la vérité. En conséquence, je me mis à pied les démarches de ces deux individus, mais comme je ne pouvais les suivre de trop près, attendu qu'ils me connaissaient et que je leur aurais inspiré de la défiance, il m'était difficile d'obtenir les lumières dont j'avais besoin. Toutefois, à force de persévérance, je parvins à acquérir la certitude que je ne m'étais pas trompé, et les deux faux-monnayeurs furent arrêtés au moment de la fabrication. Quelque temps après, ils furent condamnés à mort et exécutés. On a répété dans le public, d'après un bruit accrédité par les inspecteurs de police, que le médecin Terrier avait été entraîné par moi et que je lui avais en quelque sorte mis à la main les instruments de son crime. Que le lecteur se rappelle la réponse qu'il me fit lorsque, chez Bouin, j'essayais de le déterminer à renoncer à sa coupable industrie, et il jugera si Terrier était un homme à se laisser entraîner.